إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. C'est un plaisir pour moi de prendre part à ce webinaire organisé par nos frères du Merkez al-Furqan en Belgique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les raffermisse sur la vérité et les récompense en bien pour cette initiative. Et les thèmes que j'ai choisi d'aborder lors de ce séminaire est le livre de la science du recueil authentique de l'imam muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder la sincérité et de rendre ses cours profitables. Donc l'imam muslim commence ce chapitre en disant « Bismillahirrahmanirrahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé ce chapitre par la basmala, comme c'est l'habitude des savants. Ils font cela pour prendre exemple sur le Coran, car toutes les sourates du Coran commence par la basmala, à part sourate le repentir. Également pour prendre exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il commençait par la basmala lorsqu'il envoyait des lettres au gouverneur pour les appeler à l'islam, comme ce fut le cas lorsqu'il envoya une lettre à Héraclius, l'empereur romain. Par conséquent, les savants nous disent que commencer les choses importantes par la basmala est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut même dire que c'est une sunna des prophètes en général, car le prophète Suleyman alayhi salam a commencé par la basmala lorsqu'il envoya une lettre à la reine de Saba. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Naml: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ô notable, une illustre missive m'a été remise. Elle provient de Suleyman qui dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, le livre de la science. Les savants ont donné plusieurs définitions de la science. Néanmoins, celle qu'on va voir dans ce cours est celle de l'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il nous dit, la science est la connaissance de la guidée avec sa preuve. C'est-à-dire la connaissance de la vérité avec sa preuve. Par exemple, savoir que le jeûne est obligatoire et que la preuve de son obligation réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Et la science se divise en deux catégories. La science profitable et la science qui n'est pas profitable. Car dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de la science et de ses adeptes. Et cette science et celle qui est profitable. Tandis que dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui ont acquis la science, et cette science est celle qui n'est pas profitable. Et les preuves de la science profitable sont nombreuses. Parmi elles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève en degré ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Également, il y a sa parole. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis, ceux qui savent sont-ils semblables à ceux qui ne savent pas? N'en tirent d'exhortation que ceux qui sont doués de raison. Mais cette science profitable est conditionnée par la mise en pratique. C'est pour cela que l'imam Shawkani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, nous dit dans le tefsir du verset précédent, celui qui sait véritablement et celui qui œuvre selon la science qu'il a acquise, car c'est lui qui en tire profit. Quant à celui qui ne la met pas en pratique, il est semblable à celui qui ne sait pas. Fin de citation. Et il y a deux points principaux à savoir quant à la science profitable. Le premier point est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de la science ou de ses adeptes, c'est la science religieuse qui est visée, c'est-à-dire la science du Coran et de la Sunna. Et ceci est une information cruciale qui doit nous inciter à étudier la science religieuse. Le deuxième point est que la science n'est profitable que lorsqu'elle est mise en pratique. Et cette information doit nous pousser à mettre en pratique la science. Quant à la deuxième catégorie de science, c'est celle qui n'est pas profitable. Et elle est de deux types. Le premier type de science qui n'est pas profitable est celle qui est profitable à la base. Néanmoins, celui qui acquiert cette science ne la met pas en pratique. De ce fait, elle n'est pas profitable. Et nous avons certains exemples de cette science dans le Coran. Parmi eux, nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Jumu'ah. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils que l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens injustes. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui ont étudié la Torah, mais qui ne l'ont pas mise en pratique. Et la Torah fait partie de la science, car à l'époque, les Juifs avaient l'obligation de la suivre. Allah subhanahu wa ta'ala les a comparés à un âne qui porte des livres. Et l'âne qui porte des livres ne profitera jamais de ces livres. Et il n'aura aucun mérite à les avoir portés. Exactement comme celui qui ne met pas en pratique sa science, elle ne lui servira à rien et n'aura aucun mérite. Et nous avons également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Raconte-leur l'histoire de celui auquel nous avions accordé nos signes, mais qui s'en dépouilla, si bien que Satan le rattrapa, et il fut ainsi du nombre des égarés. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes, mais il pencha vers la vie sur terre et suivit ses passions. Certains savants du Tefsir ont mentionné qu'il s'agit d'un savant des fils d'Israël. Le prophète Moussa alayhi salam l'envoya à Médian pour appeler le roi de cette contrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce dernier lui fit don de nombreuses richesses, si bien qu'il délaissa la religion de Moussa alayhi salam. Le deuxième type de science qui n'est pas profitable, la science qui est nuisible, elle n'est pas profitable à la base et ne le sera jamais. Telle que la sorcellerie. C'est une science, mais elle n'est pas profitable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son sujet: وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ils apprenaient ce qui leur nuisait et ne leur était d'aucun profit. Et on retrouve ces deux catégories de science, celle qui est profitable et celle qui ne l'est pas, dans certains ahadiths. Parmi eux, celui qui est rapporté par Al-Nasa'i, d'après Jabir, qu'Allah l'agrée, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: « Ô Allah, je te demande une science profitable et cherche refuge auprès de toi contre celle qui n'est pas profitable. » Et ce hadith est jugé bon par Cheikh Al-Albani, rahmahullah, rahmatan wasi'a. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la science profitable et de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre celle qui n'est pas profitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: demandez à Allah la science profitable et chercher refuge auprès de lui contre celle qui n'est pas profitable. Avec cela, nous savons que la science se divise en deux catégories: la science profitable et celle qui ne l'est pas. Et quelqu'un pourrait se demander: comment savoir si notre science est profitable ou non? Et la réponse à cette question et qu'il y a des signes qui indiquent que la science qu'on a acquis et profitable. Parmi ces signes, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit que plus la science du serviteur augmente, et plus sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente. Par conséquent, plus la personne va apprendre, et plus il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui, plus il va apprendre, et plus il va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus il va être orgueilleux, ceci est un signe que sa science n'est pas profitable, wal'iyadu billah. Également, le fait que cette science te pousse à plus œuvrer, car plus tu étudies et plus tu es censé connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et plus cette connaissance augmente, plus tu as le désir ardent de te rapprocher de lui en faisant de bonnes œuvres. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science profitable. Et nous cherchons refuge auprès de lui, subhanahu, contre la science qui n'est pas profitable. Ensuite, l'auteur nous dit, chapitre 1, de l'interdiction de suivre les versets équivoques du Coran, de la mise en garde contre ceux qui les suivent, et de l'interdiction de la divergence à propos du Coran. Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab nous rapporte. Yazid ibn Ibrahim al-Tustari nous rapporte. D'après Abdullah ibn Abi Mulaika. D'après Al-Qasim ibn Muhammad. D'après Aïcha radiallahu anha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Aïcha poursuivit radiallahu anha et dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous voyez ceux qui suivent les versets équivoques, ceux-là sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désignés. Méfiez-vous d'eux. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté contre ceux qui suivent les versets équivoques et délaissent les versets clairs. Car dans le Coran, il y a des versets clairs qui ne peuvent être ni détournés ni orientés vers autre chose que ce pourquoi ils ont été établis. Par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » dit « Il est Allah l'unique », c'est un verset clair qui renvoie à un seul sens. Et ces versets clairs sont la base du Coran. Quant aux versets équivoques, ce sont ceux qui peuvent être détournés, orientés et interprétés, car ils peuvent indiquer plusieurs sens. Il en est de même pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une révélation. Ainsi, il y a des hadiths clairs et d'autres équivoques. Et la méthodologie des gens de la sunna est de renvoyer les textes équivoques à ceux qui sont clairs. Quant à la méthodologie de ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, elle consiste à s'attacher aux textes équivoques et de délaisser ceux qui sont clairs. Cela pour plusieurs raisons. parmi elles, détourner les gens de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également interpréter ces versets selon leur interprétation. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de prendre garde à eux, car ils sont un danger permanent pour le croyant. Et on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est la mise en garde de fréquenter les gens de l'innovation, car ce sont eux qui s'attachent aux versets équivoques. Et certains de nos pieux prédécesseurs étaient d'avis que c'était les gens de l'innovation qui étaient visés par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ceux qui en est équivoque, cherchant à troubler et à l'interpréter. Ainsi, ce verset est une mise en garde de fréquenter les gens de l'innovation d'un point de vue général, et plus précisément la secte des Khawarij, car certains prédécesseurs affirmaient qu'ils étaient visés par ce verset. C'est pour cela que certains salafs, lorsqu'ils lisaient ce verset, disaient « Si ce n'est pas les Khawarij, alors je ne sais pas qui sont-ils. » Comme cela a été rapporté de Qatada, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et la secte des Khawarij sont ceux qui s'accrochent le plus aux textes équivoques, dans le but de justifier leurs croyances erronées. Par exemple, selon eux, celui qui fait des grands péchés sort de l'islam. Et s'il ne se répand pas avant de mourir, il ne sortira pas de l'enfer. En se basant sur le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fornicateur lorsqu'il fornique n'est pas croyant. » Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc selon eux, c'est une preuve justifiant leur croyance. Alors que la négation de la foi dans le Coran et la Sunna peut avoir plusieurs sens, tels que la négation de la base de la foi, ce qui veut dire que la personne n'est pas croyante, ou encore la négation de la foi complète, ce qui veut dire que le croyant a la foi faible, ce qui est le cas dans ce hadith. Et ils ont pris soin, comme à leur habitude, de délaisser toutes les preuves claires qui indiquent que celui qui fait des grands péchés ne sort pas de l'islam. Alors qu'en renvoyant le hadith d'Abu Huraira cité précédemment à des textes clairs, on parviendra à la vérité, incha'Allah ta'ala. Parmi ces preuves, le verset 9 et 10 dans Surat les appartements, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction de ce verset, si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un se montre réticent et transgresse envers l'autre, combattez l'agresseur jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. S'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime ceux qui sont équitables, les croyants sont frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Malgré que les deux groupes de croyants ont commis un grand péché, Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé qu'ils restent croyants. Le deuxième enseignement est l'obligation de revenir aux grands savants, car c'est eux qui connaissent l'interprétation des textes et des choses équivoques. De ce fait, il faut les questionner pour connaître leur sens et leur jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué cela dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le licite est évident et l'illicite est évident, et il y a entre les deux des choses équivoques que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et l'éminent savant Cheikh Salih Ali Cheikh dit en explication de cette phrase: il y a dans cette parole une indication qu'il y a des gens qui connaissent ces choses équivoques. Ainsi, il faut demander à ceux qui savent le jugement de ces choses. Fin de citation. Et dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de questionner les gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et si le musulman, et plus particulièrement l'étudiant en science, revient aux savants lorsqu'il ignore un sujet ou lors des troubles pour les questionner, il obtiendra un grand bien et sera préservé d'un grand mal, incha'Allah ta'ala. Le troisième enseignement est la légitimité des mises en garde. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté contre ceux qui suivent les versets à équivoque. Et celui qui médite sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam remarquera qu'il y contient de nombreuses mises en garde, que ce soit contre les polythéistes, les hypocrites ou encore certains innovateurs. Par conséquent, il n'est pas correct de dire que les mises en garde ne sont pas légitimes ou encore qu'elles sont une cause de division. Et pour appuyer cette parole, certains faibles d'esprit vont même te dire: lorsqu'on pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les premiers mots qui nous viennent à l'esprit? N'est-ce pas la miséricorde, la compassion, la tolérance? Si tel est le cas, alors pourquoi les mises en garde? Pourquoi dire que un tel est égaré? Pourquoi dire que ces gens sont égarés? Et nous répondons à cette ambiguïté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète comme étant miséricordieux envers les croyants. Il dit dans sourate le repentir: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Un messager issu d'entre vous est venu à vous. Il est peiné parce que vous subissez, soucieux de votre salut et bienveillant et miséricordieux envers les croyants. Malgré sa miséricorde, sa tolérance et sa compassion, tout ceci ne l'a pas empêché de mettre en garde sévèrement contre la secte des Khawarij en disant qu'ils sont les chiens de l'enfer. Et puis ce qui est étonnant, chers auditeurs, c'est que ceux qui sont entre guillemets contre les mises en garde se contredisent souvent dans deux points principaux. Le premier point est qu'ils acceptent les mises en garde dans les affaires mondaines. Si l'un d'entre eux, par exemple, veut investir avec un associé et qu'on le met en garde contre celui-ci en lui disant qu'il n'est pas digne de confiance, par exemple, ou qu'il vole, il sera le premier à accepter cette mise en garde. Il ne dira pas que cette mise en garde a divisé, ou encore que cette mise en garde rentre dans la médisance. Par contre, il le dira si c'est dans la religion. Le deuxième point est que certains qui prétendent que les mises en garde divisent et qu'il ne faut pas parler sur les gens, eux-mêmes parfois dénigrent les gens de la Sunna et mettent en garde contre eux. Ils ont même des vidéos entières à cet effet. Alors mettre en garde contre les gens de l'innovation pour que les musulmans puissent s'écarter d'eux, ceci est considéré comme de la division, du sectarisme et j'en passe. Tandis que parler sur les gens de la Sunna est une bonne chose. Ceci est une chose très étonnante. Le quatrième enseignement est que le Coran se divise en versets clairs et en versets équivoques. Le cinquième enseignement est la confirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a fait descendre le Coran et la descente se fait uniquement du haut vers le bas. Donc si le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'a fait descendre, cela veut dire qu'il est forcément élevé. Et cette croyance est celle des gens de la Sunna. Et c'est aussi la croyance des prophètes. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. Quelqu'un pourrait se demander quelle est la preuve que les prophètes croyaient en l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle est la preuve que l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala faisait partie de la croyance des prophètes? La réponse à cette question est que les preuves sont nombreuses. Parmi elles, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de Pharaon. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. Pharaon dit: Ô Haman, bâtis-moi une tour afin que je parvienne aux voies des cieux et que j'aperçoie la divinité de Moussa. L'éminent savant Cheikh Al-Uthaymin nous dit en commentaire de ce verset: ceci indique que Moussa alayhi salam lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala était aux cieux. Et il y a cinq types de preuves qui confirment l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le consensus, la raison et la fitra. Concernant le Coran, les preuves sont connues et très nombreuses. Pareil pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lorsqu'il disait en prière, gloire et pureté au Seigneur le Très-Haut. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala par son action, comme le fait qu'il indiqua le ciel avec son doigt dans de nombreux hadiths. Et parfois, il indiquait l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son approbation, comme dans le hadith de la servante, lorsqu'il lui a demandé où est Allah et qu'elle répondit aux cieux. Quant au consensus, les pieux prédécesseurs sont unanimes sur l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les compagnons, les tabi'in et les imams bien guidés. Et il n'a pas été rapporté que l'un d'entre eux ait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Quant à la raison, les savants se sont basés sur le fait que si tu demandes à une personne est-ce que l'élévation est un attribut de perfection ou un attribut de diminution, il répondra un attribut de perfection. Ainsi, si on se base sur la raison, nous disons que tout attribut de perfection est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la fitra, c'est très clair. Celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala va automatiquement lever ses mains vers le ciel, quand bien même il serait ignorant. Même le mécréant qui est en détresse va lever ses yeux au ciel pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci nous montre la véracité de la croyance des gens de la sunna. Ensuite, l'auteur nous dit, Abu Kamil Fudayl ibn Hussein al-Jahdari rapporte, d'après Hammad ibn Zayd, d'après Abu Imran al-Jawni, qui a dit, Abdullah ibn Rabah al-Ansari a dit que Abdullah ibn Amr a dit un jour, je me rendis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en début de matinée. Il entendit la voix de deux hommes qui divergeaient sur un verset. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit vers nous. La colère se voyait sur son visage et dit, ceux qui vous ont précédé ont péri à cause de leur divergence à propos du livre. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la divergence à propos du livre est une des causes de la perdition de ceux qui nous ont précédés. Et ce qui est voulu par la perdition de ceux qui nous ont précédés, c'est la perdition dans la religion par leur mécréance ou leur innovation. Ainsi, le musulman doit s'écarter de cette voie pour ne pas s'égarer. Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran pour qu'on médite sur celui-ci et qu'on le mette en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Sad, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Ceci est un livre béni que nous t'avons révélé, afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Et les divergences qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran sont de deux catégories, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah. La première catégorie est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les deux parties qui ont divergé. Comme dans le verset de Surat al-Baqarah lorsqu'il dit « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ » Car Allah a révélé le livre avec vérité, et ceux qui divergent au sujet du livre sont dans une contradiction qui les éloigne. Et la deuxième catégorie, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala blâme une partie et fait l'éloge de l'autre partie, comme dans le verset de Surat al-Baqarah lorsqu'il dit « وَلَكِنْ يَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ » Mais ils se sont divisés, les uns optant pour la foi et les autres pour la mécréance. On tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est que la divergence à propos du Coran est une cause d'égarement. Le deuxième enseignement est la permission de se mettre en colère. En effet, il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se mettre en colère. Néanmoins, il se mettait en colère lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient dépassées. Et ceci est une colère louable. Et les savants nous disent que la colère est de deux types. La première est celle qui est louable. Et c'est lorsque la personne se met en colère pour la religion. Néanmoins, il ne faut pas que cette colère le pousse à dire des mauvaises paroles et à tomber dans le péché. Et la deuxième catégorie de colère est celle qui est blâmable, celle qui va pousser la personne à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, Yahya ibn Yahya nous rapporte, Abu Qudama al-Harith ibn Ubayd nous informe, d'après Abu Imran, d'après Jundub ibn Abdillah al-Bajali, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, récitez le Coran aussi longtemps que vos cœurs sont en harmonie à son sujet, Si vous divergez à son sujet, levez-vous. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne la lecture du Coran. Et cela englobe la lecture des versets et des sens. Ainsi, il convient aux musulmans de donner une grande importance au Coran. Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ont mis le Coran de côté et se sont adonnés à la lecture d'autres livres qui contiennent de nombreuses contradictions. Et le musulman doit observer certains comportements vis-à-vis du Coran. Parmi eux, partir lorsqu'il y a des divergences à son sujet, c'est-à-dire des divergences interdites, ou des divergences qui mènent à l'interdit, comme diverger sur le sens d'un verset, où l'effort d'interprétation n'est pas accepté, ou les divergences qui font tomber dans le doute, les troubles, ou bien des disputes, ou de l'animosité. Il faut s'écarter de ce genre de divergences, car ils sont nuisibles pour le cœur. Ensuite, l'auteur nous dit, chapitre 2, du disputeur invétéré. Abu Bakr ibn Abi Shayba nous rapporte, Waqi' nous rapporte, d'après Ibn Jurayj, d'après Abi Mulayka, d'après Aisha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, l'homme le plus détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala est le querelleur invétéré. La question qu'on peut se poser, et pourquoi le querelleur invétéré est l'homme le plus détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse à cette question est car il est entêté et ne cherche pas la vérité. Lorsqu'il débat, il veut uniquement dominer son contradicteur, quitte à mentir et à ruser. Parfois, il se peut qu'il débatte dans des sujets où il n'a pas un once de connaissance. Néanmoins, comme il aime le débat, il parle dans ce sujet. Et dans ce hadith, ce n'est pas uniquement l'homme qui est visé. En effet, la femme est aussi visée. Mais elle n'a pas été mentionnée, car cette caractéristique est plus fréquente chez les hommes. Et aussi car la femme est faible dans ce domaine. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Zukhruf, أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Mais ils prétendent qu'il s'est attribué des filles parmi ces créatures et vous a réservé des fils. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance de ce qu'il attribue au miséricordieux, son visage s'assombrit, réduit au mutisme, par l'intensité de la tristesse et de la rage qui l'envahissent. Lui attribue-t-il cet être élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, ne sait donner un argument clair? C'est pour cela que la femme n'a pas été mentionnée dans ce contexte, car il n'y a pas de profit à la mentionner. Le querelleur entêté est souvent celui qui va faire preuve de vantardise et celui qui est trompé par ses œuvres. Il sera prêt à tout pour avoir raison et va multiplier les débats. Et le musulman doit s'écarter de ce genre de personnes. Il doit s'écarter également de ce genre de comportement. Il doit être modeste et chercher la vérité. On tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est la confirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste et aime. Ainsi nous confirmons ses attributs, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué ses attributs à lui-même. Le deuxième enseignement est le blâme du débat en religion. Et ceci est le fondement général chez les pieux prédécesseurs. Comme l'a mentionné l'imam Ahmed, dans son livre intitulé « Les fondements de la Sunna », Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il ne controverse avec personne, qu'il n'apprenne pas le débat, car parler sur le destin, la vision d'Allah et le Coran, ainsi que d'autres choses de la Sunna est interdit, même si ses paroles l'ont amené à la Sunna. Celui qui s'y adonne ne fait pas partie des gens de la Sunna jusqu'à ce qu'il délaisse toute controverse, se soumette et croit aux textes et aux affars. Fin de citation. Néanmoins, nous avons d'autres textes indiquant la permission de débattre. De ce fait, il est légitime de se poser la question suivante. Quand est-ce que le débat est autorisé et quand est-ce qu'il est interdit? Et la réponse est que le débat est autorisé lorsque le contradicteur cherche la vérité et l'accepte. Si quelqu'un vient à toi pour parler d'un sujet religieux sur lequel vous êtes en désaccord et qu'il est connu pour chercher et accepter la vérité et que tu as la science nécessaire pour débattre, alors dans ce cas, le débat est autorisé. Par contre, s'il est connu pour ne pas accepter la vérité et être un fervent fanatique du faux et de ses adeptes, le débat est interdit. Et en règle générale, c'est le cas de la plupart des débats. En sachant qu'il y a de nombreux méfaits qui découlent de ces débats. Car lorsque deux personnes débattent, il y a forcément l'un d'entre eux qui va être plus convaincant. Et malheureusement, ce n'est pas toujours celui qui est sur la vérité. Également, l'innovateur, lorsqu'il débat, vient avec de grandes ambiguïtés et elles ne sont pas forcément réfutées de la bonne manière et parfois elles troublent le contradicteur ainsi que les auditeurs. Et c'est comme cela que le mal se répand. De ce fait, il faut délaisser les débats et laisser cela aux gens habilités tels que les savants. Malheureusement aujourd'hui, tu vois de nombreux ignorants débattre sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont étudié nulle part, ils n'ont aucun bagage. Et ce qui est triste est que ces énergumènes ne se permettent pas de débattre sur des sujets mondains. Lorsque c'est des sujets religieux, tout le monde parle et tout le monde connaît. Et il faut savoir que les gens de la Sunna ne cherchent pas le débat. Ils ne débattent que lorsqu'il y a une grande nécessité. Comme ce fut le cas à l'époque de Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah. Donc en résumé, ce n'est pas tous les débats qui sont interdits. Néanmoins, ils sont régis à des conditions que beaucoup ignorent et ne respectent pas. Et c'est comme cela que les savants enracinés dans la science ont compris les textes concernant les débats en religion. On trouve de nombreuses paroles de savants d'antan qui vont dans ce sens, telles que la parole d'Ibn Battah dans son livre intitulé « Al-Iban ». Et parmi les contemporains, nous avons l'éminent savant, Cheikh Ahmed al-Najmi et Cheikh Ibn Baz, qu'Allah leur fasse miséricorde, pour ne citer qu'eux. Et l'éminent savant, Cheikh Rabi ibn Hadi al-Matrali, qu'Allah le préserve, rapporte que lorsque certains Khawarij venaient voir Cheikh Ibn Baz pour débattre avec eux, ils débattaient. Par contre, lorsque c'était des Rawafid, ils ne débattaient pas avec eux. Le troisième enseignement qu'on tire de ce hadith est que les péchés diffèrent dans le mal. Et on tire cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus détesté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.